Alors moi j'ai commencé mon apprentissage à 13 ans. À 13 ans, on nous mettait en apprentissage tout de suite. Ah oui. Et vous avez travaillé chez qui? J'ai fait mon apprentissage à la Maison Laberte. À la Maison Laberte, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Et alors là, comment ça se passait? On vous mettait à côté d'un... Ah non, il y avait un ouvrier qui faisait le violon à la main et qui faisait que des apprentis. Ah, d'accord. J'ai commencé, on était deux apprentis, mais au bout d'un an et demi, on était douze.